Ouais, mais moi, je suis très content que les Duchesses reviennent. Moi, je tiens à le dire, là, parce que je pense que c'est le 60e anniversaire du carnaval aussi. Oui. Donc, on se rattache à une vieille tradition. On ressuscite quelque chose, moi, qui a illuminé mon enfance. Quand t'étais jeune, le carnaval, c'était quand même beaucoup ça, les Duchesses. Mais il y a un puritanisme aussi parce que je lisais des articles qu'officiellement, la beauté n'a pas de rapport. Hein, c'est un projet, puis l'intelligence, tout ce que c'est tu veux. C'est communautaire. L'important, c'est des, oui, des projets communautaires. Bon, on voit à quel point le Québec est devenu quand même aseptisé un peu. Hein. Ben oui. Bon, alors, on sait bien que je comprends que c'est pas un concours de miss puis de beauté, là, mais la beauté, ça fait partie de la vie quand même. Là, puis, ben oui. Ça y est, mais on le dit pas. Une belle fille intelligente, il n'y a rien de mal à ça, puis c'est correct. Mais faut pas le dire. Pourquoi faut pas le dire, Christian? Parce que je trouve que c'est une des sociétés, je trouve, où le féminisme est le plus fort sur la planète, où la condition des femmes est la plus affirmée. Trop fort? Je trouve que ça casse un peu les gars. Moi, tu sais, je suis gay, hein. Et des fois, j'ai de la sympathie pour les gars straight. Parce que je me dis, ça a pas l'air facile au Québec. Puis des filles, moi, il y a de mes amis en plus de ça. Féministes qui me disent quand même que quand elles sont en Europe, elles apprécient le côté plus flirteux des gars. T'sais, au Québec, cette espèce de séduction-là est devenue problématique parce qu'il y a toujours le danger qu'une fille te dise, écoute, arrête de me querer ou... Tu comprends, je veux dire... On séduit en faisant manger pis en faisant vaisselle, là. On veut pas, on veut être bien bon dans la cuisine. On veut être des bons hommes au foyer. Puis on veut être des Ricardo. On veut aider sa conjointe. C'est ça que ça pue les mois-là, parce que en Europe, entre autres, les publicités sont ça passerait jamais ici, c'est évident. Ah non, dans des magazines allemands, il y a des femmes avec des seins nus. Ouais, c'est ça. Si ça passerait pas, là. C'est ça. Je trouve que le sexe, qu'il faut le rappeler, c'est un des plaisirs de la vie. Puis une chose aussi que je trouve que le mouvement féministe a de la difficulté à assumer au Québec, c'est qu'un gars, c'est pas une fille. Puis que la sexualité masculine, mon Dieu, que je m'avance sur un terrain glissant, là. Dans votre émission, on a plus de liberté. Moi, c'est toujours une chose qui m'a frappé. C'est qu'il y a une partie des filles qui aimeraient que les gars soient comme des filles. C'est-à-dire qu'ils vivent leur sexualité comme des filles. Ouais. La vie, c'est pas pareil. Je trouve que la plupart des gars, pas tous les gars, moi je reconnais à tous les individus d'être différents, là, mais je trouve que la plupart des gars, en tout cas, sont plus capables de dissocier le sexe de l'amour que les femmes. Oui. Hein? Tu comprends? Oui, c'est une grosse différence. Totalement. Et ça, les femmes ont beaucoup de difficultés. Beaucoup de femmes ont de la difficulté à assumer ça. Un gars va être capable de coucher avec une fille, puis le lendemain, merci, bonsoir. Veux-tu un café? Bonne journée. Puis donne-moi télécommande, m'a changé à TV de poste. Hein? Mais la fille... C'est plus rare. Il y a des exceptions. Moi, j'ai des amis de gars qui là, sont comme des filles. C'est-à-dire que c'est vraiment eux, l'amour et le sexe est très associé. Et ouais, à l'inverse, il y a des filles qui sont différentes. Je veux pas enfermer les sexes dans des prisons. Mais en général, mais globalement, je pense qu'il faut quand même l'admettre. Et ça, c'est pas admis au Québec. C'est des tabous, là. Je le dis ici parce qu'ici, il y a une atmosphère de liberté exceptionnelle, mais je dirais pas ça radical. Mais il y a une croisade. Exact. Mais là, je peux y faire commenter. On veut entrer dans le prochain sujet qu'on devait pas te faire commenter. Mais Radio-Can, hier, dans ce thème-là, on fait un reportage absolument brutal concernant une microbrasserie qui s'appelle Le Corsaire, qui est basée dans la région de Québec. Et Le Corsaire, c'est un peu olé olé. Moi, je connais pas beaucoup ça. Jean-Claude connaît ça davantage. Ouais. Puis ils ont des noms de bières. Tu sais, je vais te donner un exemple de l'Archibald, par exemple. Je vais pas faire de la pub à outrance, mais là, on parle de ce sujet-là, ouais, des filles. L'Archibald, il y a un nom de bière, c'est la petite Chris. Niaiseuse, mais regarde, t'as également les gens de la voie maltée, la gigonne. Et le trou du diable aussi qui ont des noms assez... Mais en fait, c'est très typique microbrasserie, ouais, d'avoir des noms un peu rock'n'roll, un peu carache. Mais qu'est-ce qui a choqué? C'est quel nom qui a choqué en particulier? Les féministes détestent ce genre de nom-là, et en particulier... C'est le corsaire qui est dans le trouble avec les... Le corsaire a plusieurs bières à connotation ambiguë, mettons. Tu sais, ils ont une bière qui s'appelle La Perruche, et le logo, c'est une femme nue en cage, tu comprends? Et là, celle qui a vraiment fait déborder la goutte du vase, c'est La Petite Pute. C'est une bière, et on la décrit comme une blonde facile. Tu vois, mais... Qui ressemble à une bière commerciale, exact, achetable. Ben, La Petite Pute, dans le contexte québécois, je pense que ça passe pas fort. Ben, effectivement, ça passe. Tu sais, parce que, non. Mais c'est qu'ils sont olé-olé. Je te dis pas que c'est super élégant, mais c'est olé-olé, puis garde. Mais ce jeu-là, en fait, et peut-être que j'ai pas... Les autres sont fait clencher, Christian, pas à peu près. Le conseil du statut de la femme, puis tout le monde. On a-tu un extrait? J'ai un extrait, peut-être. On t'a fait commenter, Christian. Où le gars explique justement pourquoi La Petite Pute, il dit, garde, c'est une bière un peu plus commercial, donc on fait un peu la pute, tu sais, puis et là tout de suite après là t'as des réactions en ligne de gens qui sont pas d'accord. Le nom de la bière soulève aussi l'indignation des internautes. Elle s'appelle La Petite Pute, décrite comme une blonde facile, légère et fruitée. Cette bière, qui a été produite en octobre, a été vendue uniquement dans la brasserie. La production est écoulée. parce qu'elle va plus ressembler à une bière commerciale. C'est ça qu'on l'avait appelée la petite pute, parce qu'on se rapproche des bières commerciales. T'sais, on va faire la pute un peu. Hein. C'est une expression, là. C'est pas tourné à l'intention des femmes. Là. Il y a quand même une culture dans l'entreprise, une culture dans la gang d'amis féministe. Autour de ça. Ils ont quand même une bière qui s'appelle la Perruche, qui est illustrée par une femme nue en cage. Le Conseil du statut de la femme dénonce ce qu'il qualifie d'une banalisation de la violence faite aux femmes. Le nom de la petite pute me révolte dans la mesure où c'est une forme d'exploitation des femmes extrêmement difficile. Il n'y a pas beaucoup de choix là-dedans. Il y a beaucoup d'exploitation, beaucoup de violence. Alors, on ne peut pas rire de telles choses. C'est vraiment limite, c'est très provocant. Je pense d'ailleurs qu'ils ont réussi, ils ont écoulé toute leur bière. Bon. Oui. Sauf que là où j'embarque pas, c'est quand on dit c'est de la violence. On n'est pas dans la violence. Non, on est dans quelque chose qui est peut-être pas élégant, qui est provocant. Bon, parler de petite pute, c'est courir après le problème. Moi, je serais pas allé jusque là. Mais on n'est plus capable de jouer avec ça au Québec. Moi, j'aime ça le jeu de la séduction, peut-être de la provocation. Mais par contre, la petite pute, moi, je trouve que c'est allé trop loin. Dans le contexte québécois, ça peut pas passer. Donc, c'est un gros succès. Et moi, je veux pas qu'on s'en sur ça. Mais par contre, je comprends qu'on critique. Mais les féministes... Le Conseil du statut de la femme, Christian, pas d'affaire à commenter ça. C'est un organisme gouvernemental. Mais de là à dire que on s'attaque à la violence faite aux femmes. C'est pas de la violence. C'est du commerce. J'ai beaucoup de problèmes avec le fait qu'on parle de la violence verbale. La violence, la vraie violence, là, c'est quelque chose. Là. Faut pas mêler les termes. Mais au Québec, le seuil de tolérance est très bas. Il est exceptionnellement bas là-dessus. Donc, il faudrait que je voie la campagne pour voir. Moi, je suis content qu'on fasse ça, qu'il y ait des jeux avec ça, mais là, ils sont allés loin, ils sont pas retenus. Ils ont tiré l'élastique. Ouais. La provocation, regarde, c'est pas d'hier, de toute façon. Là. Tu voulais parler de quoi d'autre? Gatalis, t'es pleine, c'est le fun, on se rencontre pas souvent. Il y avait les garderies.